Physiquement, Odette traversait une mauvaise phase. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis, il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comme elle avait été délicieuse, et cela le consolera un peu de se donner tant de mal pour elle.